Vous êtes abonné à un club de gym. On ne vous y a pas vu depuis 3 mois. Vous êtes abonné à des magazines. Vous les feuilletez à peine. Vous êtes abonné à 153 chaînes. Vous en regardez 2. Et si, pour une fois, vous vous abonnez à quelque chose de vraiment utile? Nespresso lance l'abonnement. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 euro. Nespresso, what else? What else, quoi d'autre? Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois, voire modalité complète sur Nespresso.com. Avec Conforama, Noël est plus beau. Quand vous remarquez que votre déco a l'âge du Père Noël, nous, on vous propose les dernières tendances, du sapin à la table de fête, pour une atmosphère naturelle, chic ou art déco à petit prix. Conforama, jusqu'au 24 décembre, conditions en magasin sur Conforama.fr. Et voilà, vous nous avez élu meilleure chaîne de magasins optiques de l'année. Alors chez Atoll, on aimerait dire merci. Au petit William qui a cassé ses lunettes 7 fois, et toujours avec le sourire. À Camélia, la plus matinale de nos clientes. À Paul, le plus tardif. Et à Alice, qui a besoin de l'approbation de tous nos conseillers avant de choisir. Merci à tous. Si nous le pouvions, Atoll vous élirait meilleur client de l'année. Et pour fêter ça, Atoll vous offre pour Noël un cadeau de grande marque pour tout achat d'une paire de lunettes. Atoll, mon opticien. Voir conditions en magasin. Dispositif médical CE. Mercedes-Benz. Alors, cette annonce Mercedes? Elle a l'air super. Je l'ai vue 3 fois, pris 200 photos, écouté le moteur, envoyé le carnet d'entretien à mon cousin garagiste et j'ai lu tous les avis sur Internet. Ah ouais, quand même. Eh ben, ça fait 2 mois que j'y suis. Et toi, t'as fait comment? Moi, je l'ai acheté chez mon distributeur Mercedes. Il y a ceux qui se rassurent et ceux qui sont sûrs. Les véhicules d'occasion du réseau Mercedes-Benz sont entretenus par nos experts et garantis 2 ans. N'attendez pas pour repartir avec la Mercedes de vos rêves. Rendez-vous sur occasion-mercedes.fr. Si je te dis porte blindée et réseau théorie agréé, tu me réponds? Point fort fichier, bien sûr. Eh bien, du 13 novembre au 1er décembre, Point fort fichier t'offre jusqu'à 600 euros de remise sur les portes blindées d'appartements et de maisons. Voir conditions en magasin et sur fichier-pointfort.com. Point fort fichier, nous protégeons ce que vous avez de plus cher. 7h30, c'est le double expresso RTL2. Vos infos avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Un peu de répit pour les automobilistes. Les prix des carburants ont fortement baissé dans les stations-service. La semaine dernière, il faut compter 1,48€ en moyenne pour le litre de diesel. Le sans-plomb 95 poursuit sa chute pour s'établir à 1,47€ le litre. Et le sans-plomb 98 perd 5 centimes à 1,54€ le litre. Samedi, les gilets jaunes appellent toujours à bloquer les routes pour dénoncer les taxes sur l'essence et le gasoil. Hommage national aux victimes du 13 novembre. Il y a 3 ans, les attentats de Paris et de Saint-Denis faisait 130 morts et plus de 350 blessés. Ce matin, un cortège partira du Stade de France où 3 premiers djihadistes s'étaient fait exploser. Il ralliera ensuite les terrasses parisiennes visées par les fusillades. Le parcours s'achèvera à 11h devant le Bataclan en présence du Premier ministre Édouard Philippe et de la maire de Paris Anne Hidalgo. Emmanuel Macron, lui, n'assistera pas à la cérémonie. Michel Fourniret, de retour devant la justice. 10 ans après le procès de Charleville-Mézières qui lui avait valu la perpétuité, le tueur en série est jugé pour une autre affaire devant les assises de Versailles. Lui et son ex-femme Monique Olivier comparaissent pour le meurtre de Farida Amish il y a 30 ans. Un assassinat qui lui avait permis de s'emparer du trésor du gang des postiches des braqueurs qui sévissaient dans les années 80 à Paris. Toujours plus de tensions au Proche-Orient. Un Israélien est mort, une femme a été grièvement blessée dans l'effondrement d'un bâtiment atteint par des roquettes palestiniennes tirées depuis la bande de Gaza. En riposte, l'armée israélienne a détruit le bâtiment d'Al-Aqsa TV, la chaîne du Hamas. Des passagers d'Air France bloqués en Russie depuis dimanche. Leur avion qui devait rallier Paris à Shanghai a dû atterrir en Sibérie suite à l'apparition d'une légère fumée à bord. Ils ont alors été transférés sur un autre vol, mais l'appareil a été victime d'un incident technique. Ils ignorent quand ils pourront repartir. Bon chance. Un coup dur pour Yannick Noah. À 10 jours de la finale de la Coupe Davis face à la Croatie, Richard Gasquet a annoncé son forfait pour la finale. Victime d'un début de pubalgie, le numéro 1 français est contraint de renoncer. On connaîtra la sélection du capitaine dans la journée. La météo dans la matinée, le temps sera encore très nuageux de la Nouvelle-Aquitaine au nord-est du pays avec de la pluie entre le Languedoc, le Massif central et le Grand Est. L'après-midi, cette grisaille persistera mais les averses deviendront de plus en plus faibles. Sur les régions proches de la Manche, la journée sera calme. Il y aura pas mal de nuages bas quand même et de brouillard ce matin. Ailleurs, on attend de belles éclaircies. Les températures sont plutôt douces, 9 degrés ce matin au Touquet et à Vitré, 10 à Paris et Chaumont, 11 à Espelette, 15 à Figari, 17 à Cassis. L'après-midi, on attend 13 degrés à Valenciennes et à Mulhouse, 14 à Lorient, 15 à Tulle, 17 au Sainte-Marie-de-la-Mer et 21 degrés à Ajaccio. 7h33, c'est le double expresso RTL2. Salut à tous, salut Justine. Coucou Greg, bonjour merci tout le monde. Merci d'attaquer ce mardi avec nous, comme promis en musique. Calogero, j'ai le droit aussi avant la chanson du jour dans le double expresso RTL2. Que dira mon père? J'en ai suis pas mieux qu'un autre. Je ne suis pas pire non plus. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit aussi. Le droit de l'aimer lui. J'ai le droit d'être amoureux. Que diront les gens? Ils plaindront mes pauvres parents. Je ne suis pas mieux qu'un autre. Je ne suis pas pire non plus. J'ai le droit de vivre heureux. J'ai le droit aussi. Le droit de l'aimer lui. J'ai le droit d'être amoureux. Tant pis si ça choque. Exactement, et c'est une chanson parmi les chansons préférées des Françaises et des Français. C'est vraiment une chanson qui parle à tout le monde, vous allez comprendre. On est en 83 sur l'album Crisis, c'est Michael Field avec Moonlight Shadow. J'ai rien que le nom, vous connaissez forcément. Ouais. Alors précision quand même, enfin à part Jonathan Donnell, c'est ça. Précise qui évidemment une culture musicale proche il y a rien d'aussi proche que la culture musicale de Jonathan Donnell. En tout cas, sachez que c'est pas Michael Field qui chante sur cette chanson, c'est une chanteuse écossaise qui s'appelle Maggie O'Reilly. Lui, il est musicien, il joue de plusieurs instruments et c'est son plus grand succès, il est numéro un partout en Europe avec cette chanson. Alors le secret de cette chanson, c'est qu'elle est avant tout un hommage à John Lennon, qui est mort quelques mois avant l'apparition de cette chanson. Et donc, il a travaillé en pensant à John Lennon, Michael Field. Et l'autre source d'inspiration pour ce fameux Moonlight Shadow, ça a été le film Houdini, avec l'acteur Tony Curtis. L'intro est reconnaissable entre mille. C'est Michael Field qui est notre chanson du jour, avec la voix de Maggie O'Reilly, Moonlight Shadow, dans le double expresso RTL2. Chantez, vous avez le droit.

7h46, c'est le double expresso RTL2. Il y aura évidemment à 7h55 les... 10 000 euros! Non! Mais ça va être inutile! C'est possible que mais tu réponds les 10 000 euros, toi, c'est dans 5 minutes. Pas là. Peut-être 10 000 euros. Max, qui est aux réseaux sociaux, qui du coup ne s'occupe pas du conducteur de l'émission, visiblement. C'est-à-dire de tout ce qui nous permet d'être à l'heure. Il était occupé au petit-déj. Bon, 10 000 euros, effectivement, avec la banque RTL2 dans quelques minutes, des séjours, des vacances, des smartphones. Plein de belles choses. Jouez avec nous, 3928 ou banque au 74 900 après YouTube. Sur l'album War, c'était U2 New Year's Day. C'est l'heure de la banque RTL2. 7h50, sur RTL2, c'est l'apparition de Laurine. Bonjour Laurine. Bonjour Greg, bonjour Justine. Salut Laurine. Comment ça va? Salut, ça va super, ravie d'être avec vous. Ah bah oui, nous plaisir partagé. Vous êtes à Cormontreuil. Et est-ce que vous êtes déjà au travail là ou vous êtes sur la route? Comment non, ça se passe? Pas encore, j'ai retardé mon arrivée au travail exprès pour vous. Ah bah ça nous fait plaisir. Ça c'est pas mignon, vous faites quoi dans la vie? Je suis directrice d'une agence de transport. Et j'en profite pour passer un petit coucou à tous les routiers qui sont sur les routes de France, loin de leur famille et loin de tout, en fait. Bah, vous avez raison de les saluer. On sait qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui nous envoient des messages. Ça. On vous embrasse, évidemment. Et comme disait Max Meunier à l'époque, les routiers sont sympas. Et c'est vrai. Bien. Oui, excusez-moi. C'était une grande émission sur RTL. Ma chère Laurine, vous allez pouvoir gagner des vacances. Vous allez pouvoir gagner des smartphones, de l'argent. Là, une nouvelle fois, Jonathan Donnel ne sait pas du tout de quoi je parle, puisque cet homme manque cruellement de culture radiophonique et musicale. Mais nous allons jouer à la banque RTL de Top Chrono 1 minute. Bonne chance, Laurine. Coffre 1. Merci. Un casque de chantier. Ah bah génial. Alors. Oh bah je continue. Oh, c'est dommage, coffre 2. Un lecteur DVD. Je continue également. Coffre 3. Un robot pâtissier KitchenAid. 500 euros le robot. Ah bon. Ouais, je continue. Ah ok, on pâtisse pas, coffre 4. Non. Un pack PS4 et le jeu Spider-Man. Ah, on a déjà. Je 359 euros le pack. Elle a déjà. Elle veut pas, elle a déjà. Ok. Elle veut pas. Coffre 5. Un séjour à Aix-en-Provence avec weekendesk.fr. Wouh! Hôtel Birdie by Apiculture, 4 étoiles, Aix-en-Provence, 2 nuits en chambre golf pour 2 personnes. Petit déjeuner et dîner également compris. 15 et ben, secondes. Je crois que je continue parce qu'on est un petit peu loin. Coffre 6. 10 secondes. Un ensemble Bose, 600 euros. Je continue aussi, on a 5 déjà. 5 secondes. Coffre 7. C'est pas grave. Vous l'avez tenté jusqu'au bout, Laurine. T'es quand même au coffre. Coffre 39. Ben non, mais il faut tenter en même temps. Ouais, c'est dommage. Oui, c'est pas grave. Ben oui, non, c'est pas grave. On a laissé passer plus de 2700 euros de cadeaux. Bon, c'est le jeu, hein. Vous êtes allé chercher du cash, oui, c'est tombé la semaine dernière. Ça peut retomber à tout moment. La semaine dernière, on rappelle, hein, il y a eu 10 000 euros, puis 5 000 euros qui auraient pu être pris d'un foulé. Vraiment, c'est chaud patate avant Noël. On vous souhaite quand même une belle journée. 3 cadeaux, le mug de l'émission premièrement. Une montre Atlas for Men également et le DVD du film L'école est finie avec Bérangère Krief. Voilà, c'est pour vous. Bah, écoutez, merci beaucoup. Gros bisous, Laurine. Gros on vous souhaite une bonne journée. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2, Laurine? Un double expresso. RTL2, le double expresso.

que le forfait 60 gigas sans engagement est à 9,99€ par mois à vie au lieu de 18,99€ par mois. À vie ? Oui, à vie, avec la Maxi Remise Box plus mobile. Ça, c'est cadeau. Jusqu'au 26 janvier 2019, à la Poste Mobile, pour toute souscription à Inbox, ne manquez pas notre forfait SIM 60 gigas à prix magique. Rendez-vous en bureau de poste. Remise appliquée à vie à compter de la deuxième facture mobile qui suit l'activation des deux offres Box et Mobile et sous réserve de ne pas résilier l'offre Box. Voir conditions sur lapostemobile.fr. Bonjour et bon mardi matin. Il est 8h01, bienvenue sur RTL2. Et c'est l'heure des infos, tout de suite avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. 3 ans après, hommage national aux victimes du 13 novembre ce matin. Un cortège partira du Stade de France, direction le Bataclan. Une cérémonie qui se tiendra en présence du Premier ministre Édouard Philippe et de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Pas de président de la République en revanche, et ce pour la première fois, Emmanuel Macron ne sera pas sur place. L'étau se resserre autour de Claude Guéant. Le parquet national financier demande un procès contre l'ex-secrétaire général de l'Élysée. Il est soupçonné de détournement de fonds publics et de favoritisme au bénéfice de Patrick Buisson. Ce proche de Nicolas Sarkozy aurait refacturé des sondages à l'Élysée à des prix exorbitants via ses sociétés. Blablacar rachète Ouibus. La SNCF va céder sa compagnie de cars longue distance. Dans un premier temps, les tarifs ne devraient pas bouger. À terme, le leader européen du covoiturage promet de baisser les prix à partir de l'été prochain. Les clients pourront par ailleurs combiner trains et autocars. Dans le même temps, la direction de Ouibus a annoncé la suppression de 95 postes, dont 85 chauffeurs. À l'étranger, c'est désormais l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie. Le feu qui ravage le nord de l'État a fait au moins 42 morts selon un dernier bilan cette nuit. 200 personnes sont par ailleurs portées disparues. 45 000 hectares ont été détruits par les flammes. La ville de Paradise, elle, a complètement été rayée de la carte. La mort d'une légende de la bande dessinée. On a appris hier soir le décès de Stan Lee à l'âge de 95 ans. Le scénariste américain avait révolutionné les comics dans les années 60. Il avait notamment créé les personnages de Spider-Man, des X-Men ou encore de Hulk. Les sports et en football, série noire pour Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus doit faire face à une cascade de forfaits à 3 jours du match contre les Pays-Bas en Ligue des Nations. Paul Pogba, Anthony Martial, mais aussi Alexandre Lacazette et Benjamin Mendy. Du coup, Moussa Sissoko, qui était absent depuis plus d'un an, a été convoqué. Également appelé pour la première fois en équipe de France, Alassane Pléa et Ferland Mendy. Et puis, autre forfait cette fois en rugby, celui de Damien Penaud. Touché à une cheville, le trois quarts du quart de France ne jouera pas samedi face à l'Argentine. La météo dans la matinée, le temps sera encore très nuageux de la Nouvelle-Aquitaine au nord-est du pays avec de la pluie entre le Languedoc, le Massif central et le Grand Est. L'après-midi, la grisaille persistera mais les averses deviendront de plus en plus faibles. Sur les régions proches de la Manche, la journée sera calme, il y aura pas mal de nuages bas et de brouillard dans la matinée. Ailleurs, on attend de belles éclaircies. Les températures restent douces pour la saison. 8 degrés ce matin à Guingamp, 11 à Calais et à Strasbourg, 12 à Lyon et Andaille, 14 à Solenzara, 17 au Lavandou. L'après-midi, on attend 12 degrés à Nancy, 13 à Roubaix, 14 à Paris, Bourges et Saint-Brieuc et 17 degrés à Sète. 8h04, salut à tous et bienvenue dans le double expresso RTL 2. Salut Justine. Salut Greg. Bonjour tout le monde. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour. Bon, vous avez vu hier, c'était triste. Stan Lee nous a quitté, dessinateur de comics, créateur de Marvel notamment. Mythique. Alors, du coup, si vous étiez un super héros, moi je sais qui serait Hulk dans l'équipe, mais je ne le dirai pas parce que je ne vais chier avec personne. Mais qui? Moi je serais, j'aimerais bien être Captain America. Mais qui serait Hulk? Non. Tu parles de moi? Mais t'es grave toi? Foster the People pour le son pop rock d'RTL de Pump Pump Kicks. Ça va, tu t'énerves un peu vite. We'll be right back. The People, Pam Pam Kick sur RTL 2. Grégory Hacher et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL 2. Exactement, nous sommes une équipe et nous sommes de grands enfants surtout, Justine. On est trop contents. On a une bonne nouvelle parce que 8 ans après, Woody et Buzz l'éclair sont enfin de retour. Vers l'infini et au-delà. Toy Story 4 donc va revenir le 26 février 2019. Enfin, Toy Story tout court, simplement, le 4e. Non, moi j'ai 26 juin, moi. Si tu veux, 26... tu peux l'annoncer en février. Je sais pas ce qui m'arrive ce matin. Ben, 26 juin 2019, donc retour de Woody, de Buzz l'éclair. Il y a un premier teaser qui vient d'être diffusé sur les réseaux sociaux qui donne envie, en tout cas. Ouais, ouais. Bah, c'est 26 juin quand même. Notez bien la date. Bah, oui. Si vous arrivez au cinéma, bonjour, vous allez voir Toy Story 4 en février. A priori, vous le verrez pas. Voilà, je tiens à vous le dire. Je sais pas. Veuillez m'excuser. Et si le teaser existe, évidemment, on vous le poste sur la page Facebook du Double Expresso RTL2 et sur le compte Twitter et Instagram de l'émission. Survivor, Burning Heart, avant Genesis. Sur RTL 2. La BO du film Rocky 4, quand il combat Drago, tu sais le russe, avec son short là. Je vois bien. Dolph Lundgren dans la peau de Drago. Depuis que tu m'as comparé à Hulk, je suis un peu en blocage. Tu savais plus à qui je t'avais comparé. T'étais en train de chercher le nom du super-héros, t'avais un doute. Pas du tout, à Hulk. Bon, une info expresso avec toi à suivre. Et bougez pas, dans un instant, on vous donne une recette sympa pour sauver la planète, rien que ça. Devenir une Avengers, là, tout de suite sur RTL 2. RTL 2.

fête, Brice. Bon, il n'y en a pas dans l'équipe, mais... Mais bonne fête quand même. Voilà. Brice Boitel, journaliste RTL2. Oui. Notre rédacteur en chef qui sera tout à l'heure sur l'antenne d'RTL2. Qu'on embrasse. Bonne fête à toi, mon poulet. Bon, l'info expresso, Genesis à Kendall. C'est le programme dans le double expresso RTL2. Hot sun beating down, burning my feet just walking around. Hot sun making me sweat. Gators getting close, hasn't got me yet. I can dance, I can talk. Only thing about me is the way I walk. I can dance, I can sing. I'm just standing here selling everything. Blue jeans sit. But she's out of reach. She's got a body under that shirt, but all she wants to do is rub my face in the dirt. 'Cause I can dance, I can talk. Only thing about me is the way I walk. I can dance, I can sing. I'm just standing here selling. Oh, and check. Sur RTL de 8h20. L'info expresso RTL 2. Alors on est dans une thématique super héros ce matin en rendant hommage aussi à Stan Lee qui nous a quitté hier. On parlait du nouveau Toy Story 4. Eh bien Justine veut sauver la planète dans l'info expresso du jour. Et c'est essayez vrai. En tout cas, contribuez. Je vous parle ce matin d'une application aussi intelligente qu'utile. Elle s'appelle WAG. We Act for Good. W-A-G. D'accord. Cette application a été lancée par l'ONG très connue WWF. Et l'objectif de WAG, c'est vous aider, nous aider à mieux se nourrir, à mieux se déplacer. Vous avez des conseils pour réduire votre consommation d'eau, par exemple, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et le tout sous forme de jeu, c'est très bien fait. Il y a une évolution de points par pourcentage, donc ça vous donne des petits défis chaque jour. Donc en fait, c'est aider la planète de manière ludique, avec des gestes du quotidien, en fait. Tu as tout compris, Greg. Oh, j'ai tout compris. Applaudissements, j'ai tout compris. Bravo, bravo. Il y a 500 défis dans cette application qui tournent autour de 5 thèmes et en plus c'est géolocalisé. Donc en fonction du lieu où vous vous trouvez, vous pourrez trouver des magasins, des restos bio par exemple, les plus proches pour acheter, je sais pas, du poisson issu de la pêche durable, etc. Et alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que la France est pilote pour ce projet d'application. Ah. La plateforme va aussi se lancer en Chine, puis en 2019 dans d'autres pays. Donc, il faut montrer l'exemple. C'est bien. Donc, allez télécharger l'appli WAG. C'est une application pour être éco-responsable et on en a tous besoin. Et puis, on est fiers pour une fois qu'on fait un truc avant tout le monde. On peut le dire aussi. Et c'était l'Info Expresso du jour sur RTL2. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget. Past like time, and they can't steal the love you're born to find. But nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you. C'est une découverte RTL de Be Alright. Il est numéro 1 en Australie. Il commence à cartonner partout. Triple disque de platine. Vraiment énorme star là-bas. Il arrive chez nous en France et sur RTL 2. Voilà. Il est 8h25 en attendant. On va faire l'horoscope, nous. Bah voilà, faisons cela. Allez, médaille de bronze avec les Capricornes. Ne laissez pas la fatigue vous abattre. Verseau. Vous ne vous êtes pas levé du bon pied ce matin. Et les Poissons. Oui, bah laisse-moi finir les Verseaux. Attention à ne pas être trop paresseux. Médaille d'argent maintenant pour les Béliers. Votre sens de l'humour en séduit plus d'un. Taureau. En ce moment, tout va comme sur des roulettes chez vous, profitez. Ton signe, Greg, Gémeaux. Vous avez de très bonnes idées. Ouais, il faut les mettre à exécution. Cancer. Votre journée sera rythmée par de bonnes nouvelles. Les Lions. Vous faites beaucoup d'efforts et votre entourage le remarque. Vierge. Aujourd'hui, tout vous sourit, vous allez passer une belle journée. Les Scorpions. Alors vous êtes très efficace au travail, il faut continuer sur cette lancée. Sagittaire. Un proche vous fera une très belle déclaration aujourd'hui. Et puis médaille d'or pour les Balances. Exactement, Justine. Les Balances, la vie est belle, vous en profitez comme il se doit. I'm gonna make it. Allez, allez, allez, allez, allez! Il va

l'apparition d'une légère fumée à bord. Ils ont alors été transférés sur un autre vol, mais l'appareil a été victime lui aussi d'un incident technique. Ils ignorent quand ils pourront repartir. Toujours plus de tensions. Au Proche-Orient, un Israélien est mort et une femme a été grièvement blessée dans l'effondrement d'un bâtiment atteint par des roquettes palestiniennes tirées depuis la bande de Gaza. En riposte, l'armée israélienne a détruit le bâtiment d'Al-Aqsa TV, la chaîne du Hamas. Allez, on passe au sport. Coup dur pour Yannick Noah. Et oui, il y a 10 jours de la finale de la Coupe Davis face à la Croatie, Richard Gasquet a annoncé hier son forfait pour la finale. Victime d'un début de pubalgie, le numéro 1 français est contraint de renoncer. On connaîtra la sélection du capitaine dans la journée. La météo dans la matinée, le temps sera encore très nuageux de la Nouvelle-Aquitaine au nord-est du pays avec de la pluie entre le Languedoc, le Massif central et le Grand Est. L'après-midi, cette grisaille va persister mais les averses deviendront de plus en plus éparses. Sur les régions proches de la Manche, la journée sera calme. Il y aura quand même pas mal de nuages bas et de brouillard ce matin. Ailleurs, on attend de belles éclaircies. Les températures sont douces, 10 degrés à Paris ce matin, à Dieppe et à Clermont-Ferrand, 11 à Concarneau, 12 à Castelnaudary, 14 à Propriano, 17 à Sainte-Maxime. Cet après-midi, on attend 13 degrés à Valenciennes et à Mulhouse, 14 à Lorient et Orléans, 16 à Auch et 20 à Avignon et Bastia. 8h32, bonjour à tous. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Bon, le winner du jour avec Justine, c'est dans quelques secondes après Imagine Dragons, voici Natural sur RTL2. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it, I'm gonna. Natural sur RTL2. Le double expresso RTL2, le winner du jour. Je sais pas si je vous ai dit qu'ils avaient sorti leur nouvel album vendredi. Je suis pas sûre. Je crois que je vous le dis tous les jours. On est trop contents. Tellement je suis fan, je crois. Bon, le winner du jour, Justine. Trouvé sur capital.fr. C'est une histoire qui fait sourire et elle est belge. Ouais. En cette fin d'année, là, 230 employés d'une usine de sidérurgie de Timmarsinel, c'est près de Charleroi en Belgique, devaient recevoir une prime de 200 euros. Bon, truc sympa. C'est déjà sympa, ouais. C'est pas mal. Sauf qu'à cause d'une petite erreur de compta, en leur faveur, ils se sont retrouvés avec 30 000 euros de plus sur leur fiche de paie. Ah, alors, vous imaginez le compte en banque, là, vous faites wow, jackpot. 30 000 euros de plus. Est-ce qu'on peut recruter le comptable ici, s'il vous plaît? Donc, l'erreur est estimée à près de 7 millions d'euros tout de même. Hein. On n'est pas sur une petite erreur. Ouais. Une lettre a déjà été envoyée à une partie des employés, leur expliquant qu'ils allaient devoir rendre cet argent. Mais alors, que dit la loi? Parce que du coup, si ça se trouve, ils peuvent le garder. Alors, selon la loi belge, les employés ont l'obligation de rendre l'argent. Sauf que certains, ont déjà, ça pourrait plus arriver à certains d'entre vous, ont déjà dilapidé une partie de cet argent. Non. Certains sont même allés jouer au casino. Bien sûr. Mince. Tu vois ça sur ton compte? Tu te poses pas de questions, entendu. En vrai, franchement, tu t'attends à 100 euros, tu prends 30 000. Bien sûr. Tu vas pas les dépenser. Non, mais tu sais qu'on va te les réclamer quand même. Ah oui. Et donc, d'autres veulent refuser, contester la réclamation de l'entreprise. Donc là, c'est la justice qui fera son boulot. Hein. Et bonne ambiance au boulot lundi matin. Hein. C'est fou. Déjà, moi, un ticket resto en rab, je suis content. Alors, 30 000 euros, tiens. Le roi du pétrole. Et toi, tu te contentes de pas grand chose, mais finalement. Oui. Toi, t'es heureux. Des petits bonheurs simples. Mais bien sûr. 30 000 euros de plus sur le compte en banque. Oh là là, jamais vu ça sur mon compte déjà, moi. C'est des vrais winners, je te confirme. Ça me mettrait à zéro, vous voyez, je serais nickel. If it makes you happy, t'es trop dépensier. Et je rigole trop à tes vannes. Allez, salut. Store John.